Le palais central des ouvriers situé dans le district de Munsu de la ville de Pyongyang est réaménagé à merveille. La cérémonie d'inauguration a eu lieu le 18 courant. Y ont pris part Choi Ryong-hae, les cadres intéressés, les commandants et membres de la troupe de choc de la jeunesse combat de vitesse, les syndicalistes et les travailleurs de la ville de Pyongyang. Choi Ryong-hae, membre du comité permanent du bureau politique et vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, a prononcé le discours d'inauguration. Il a indiqué comme ce qui suit. Le palais central des ouvriers est un présent du maréchal Kim Jong-un pour la classe ouvrière et les syndiqués de la Corée et une création monumentale de l'époque du Parti du Travail. Le personnel du palais doit faire briller à jamais les exploits de direction des grands hommes Baek Tsan et bien organiser sa gestion.